Y a-t-il des banquiers dans la salle ? Banquier, ami banquier, si tu nous écoutes, cette chanson est pour toi. Le banquier, qui est ? À l'inverse, qui n'est pas inquiet. Ouais. Bon. C'est parti les gars. Je suis un banquier qui est, c'est particulier. Tu ne peux pas m'oublier, je ne suis pas inquiet. Crédits immobiliers, taux bien étudiés. Voici l'échéancier, tout est régulier. Intérêt bas, c'est pourquoi t'as signé là. Ils sont remontés et maintenant t'as plus un rond. Pour moi pas de problème, ma marge est prévue par contrat. En cas d'impayé, je fais saisir ta maison. Je suis un banquier, ouais, c'est bon d'être français. Je suis un banquier, aimé par l'État. Des aides monumentales, gouvernementales. Je suis un banquier, yeah, le pouvoir au pied. Saisie massive, le prix des maisons s'écroule. Partout dans le monde, les débiteurs deviennent ma boule. Pour moi, pas de problème, on me rend fou avec tes impôts. Tu as bien voté, t'aimes les riches, t'es leur suppôt. Je suis un banquier cheese, connais pas la crise. Un banquier gourmandise, nourri par la mouise. Tes patrons sont géniaux, l'œil sur les ratios. Font des plans sociaux, y'a bon les agios. T'es licencié, peux plus payer ton loyer. J'taxe tes chèques en bois, tes rejets et tes découverts. Pour moi pas de problème, plus tu t'enfonces, plus c'est le pied. Pour payer tes dettes, prends du crédit revolver. Je suis un banquier, yeah, très bien habillé. T'aimerais faire mon métier, palper les billets, savoir être immoral, blanchir l'argent sale, du bouclier fiscal, bon pour le moral. Fou allié, dans mon staff j'ai des traders, ils misent ton pognon sur les marchés, même pas peur. Pour toi pas de problème si t'as envie de faire ce métier, fais-toi parrainer par l'Elysée, conseiller. Je suis un banquier, c'est un beau métier. Je suis un banquier, ouais, c'est bon d'être français. Je suis un banquier cheese et connais pas la crise. Je suis un banquier, yeah, très bien habillé. Je suis un banquier, c'est un beau métier. Je suis un banquier. Louer, j'offre un crédit revolver. T'en prends pas à moi, tu vas finir